Welcome, bienvenue à bord de la Croisière Folk. Alors cette semaine, notre voyage musical met à l'honneur les voix, les talents et les inspirations des artistes féminines qui font vibrer la scène folk. Qu'elles soient autrices, compositrices, interprètes ou musiciennes accomplies, ces artistes apportent une sensibilité unique et une richesse musicale incomparable. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ces mélodies envoûtantes et embarquez avec nous pour une heure de musique folk 100% féminine. On a démarré l'émission avec Rose Greenwood, qui est une musicienne professionnelle et multi-instrumentiste. Elle écrit des chansons depuis une dizaine d'années et elle travaille ponctuellement comme musicienne de session. One of These Days a été écrit en hommage à son ami Patrick O'Neill et est extraite de son nouvel album Soul Food, qui est disponible pour les infos. Vous allez sur Rose Greenwood, sa page Facebook. Et on poursuit avec Josiane Clarke et Chicago. C'est extrait de son album de 2023, One Liness. C'est son 4e album solo. Le 5e est sorti en 2024. Et il y aura aussi Nathalie McMaster avec The Sisters Reel. Extrait de Cape Breton Girl. L'album de 2011. Et ensuite Alana Thornburg, Away with the Fairies. Elle est multi-instrumentiste et c'est extrait de son premier album sorti en 2025 qui s'appelle Shape Shifter. Voilà, vous savez tout. Une chose à rajouter peut-être, nous avons une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk et puis vous avez envie de nous écrire, eh bien en un mot, lacroisierefolk@yahoo.com. Bon voyage! Vous écoutez La Croisière Folk et croyez-moi, vous avez bien raison. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. It's lucky I learned young. You got to turn the other cheek. I knew before I had begun. I'd have to earn the right to speak. It's not Chicago's fault. See me play. It's not the rain that ruined the parade. The cookie's gonna crumble and money's gonna burn. So make your peace with failure, a lesson that you learn. You're gonna look foolish as the sun is in the sky. Some of it is painful, and you're gonna have to try. But you wouldn't trade it for all that glitters gold. La croisière folk vous invite à découvrir l'âme du folk féminin. Alana Thornburg avec Away with the Fairies. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et dans 1, 2, 3 aujourd'hui, c'est Sierra Hull qui réinvente le bluegrass avec son tout nouvel album qui s'appelle A Tiptoe High Wire. Avec cet album, eh bien, Sierra Hull nous offre un album que l'on peut qualifier d'audacieux et de raffiné. où le bluegrass rencontre le folk, le jazz et la musique old-time. Elle est la première femme, il faut le savoir, à avoir remporté le prix de Mandolin Player of the Year au IBMA Awards, donc International Bluegrass Music Awards, et elle affirme ici son indépendance artistique avec son premier album autoproduit. Accompagnée de musiciens de talent et d'invités prestigieux comme Bella Fleck ou Geoff O'Donovan, elle explore de nouveaux horizons sonores, de la fougue instrumentale de Lore That A Long Way aux délicates harmonies de Red Bird. Chaque morceau témoigne de son incroyable maîtrise musicale. La richesse des arrangements et la finesse de son jeu de mandoline font de cet album un véritable bijou. Sierra Hull, en équilibre entre tradition et modernité, continue de repousser les limites du genre, prouvant que le bluegrass est un terrain fertile pour l'innovation. Et de cet album, donc, qui s'appelle A Tiptoe High Wire, eh bien, on écoutera trois extraits: E-Tune, Muddy Water et Come Out of My Blues, un duo avec Tim O'Brien. J'espère que vous allez apprécier. 1, 2, 3, lancez la musique. Spend most of your life just looking for some. dos, tres, la la la la la. Birds are singing right outside my door, songs I never heard them singing before. I'm loving all you and the things you do. Let's go walking for a mile or two. Give me a minute so I can find my shoes. I think I'm beginning to come out of my blues. I hear lately it's been going round. It gets lonely when the sun sinks down. This here living gets complicated. Every little thing gets you all frustrated. Been tied up, but I'm cutting it loose. I think I'm beginning to come out. C'est une nouveauté, c'est le dernier album de Sierra Hull, A Tiptoe High Wire. Je vous le conseille chaudement. E-Tune, Muddy Water et Come Out of My Blues. C'est avec ces trois morceaux-là que je vous ai permis de le découvrir. Et tout de suite, un petit clair de lune, un poème de Paul Verlaine qui est lu par Louis Vell. Alors c'est un poème qu'on peut qualifier de symboliste, hein, qui évoque une scène nocturne empreinte de douceur et de mélancolie. Il dépeint un paysage féerique où les personnages de la Commedia dell'arte dansent sous une lumière lunaire entre joie apparente et tristesse cachée. La lune, symbole de rêverie et de mystère, baigne tout d'une lumière douce et mélancolique, reflétant l'âme tourmentée des artistes. La musique, omniprésente, souligne la délicatesse et l'émotion du moment. Le poème, en fait, traduit l'idée d'une beauté fragile où la mélancolie se mêle à l'enchantement. Verlaine, d'ailleurs, joue sur les sonorités et les images pour créer une atmosphère à la fois éthérée et nostalgique. Et vous pourrez retrouver ce poème dans le recueil Fêtes galantes, publié en 1869. Et juste après, il y aura Chris Delmhorst avec Wolves. Chris est membre très actif de la scène folk de Boston. Et c'est extrait de son nouvel album qui s'appelle Ghost in the Garden. Est-ce que vous avez des fantômes dans votre jardin? Alors, Boston, il faut le savoir, est l'une des plus anciennes villes des États-Unis. Elle a été fondée en 1630 par des puritains anglais fuyant les persécutions religieuses de leur pays. Mégane Lebel, la Québécoise avec Étrangère, et Sandra Contour, La maison est travers. C'est la suite de la programmation musicale dans cette croisière folk. Votre âme est un paysage choisi. Que vont charmants masques et bergamasques, jouant du luth et dansant et quasi tristes sous leur déguisement fantasque. Tout en chantant sur le mode mineur, l'amour vainqueur et la vie opportune, ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur, et leurs chansons se mêlent au clair de lune. Au calme clair de lune triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. I see wolves circle in the fire. Circle in the fire with the yellow eyes, little bit closer every night. Dark on dark, patient pride, just outside the edge of the light. Know how to wait, how to sit tight. Tallest one, tallest one, block out the sun. Little bit smaller now, the closer they come. Oh, but hey, no, there's no shame. Someday we'll know all their names. There's no wrong, there's no blame. La croisière folk vous invite à découvrir l'âme du folk féminin. Dites-moi ce que j'ai fait. Pourquoi tout est froid quand moi j'essaie? Dites-moi ce qu'il faut que je fasse. J'ai dit Pendant longtemps, je me suis battue à ramasser les bouts du casse-tête perdu. Vous m'avez fait croire à une issue pour finalement passer. Qui m'éclaire est brûlée depuis quelques mois. C'est plus quand il fait noir que je me rends compte que je ne suis pas un chat. La maison est de travers et je marche croche sans savoir. La maison est de travers et je marche tout croche. Le plancher me supporte plus, le plafond me regarde de haut. Le ciel me tombe dessus, mais si au moins il faisait un peu beau. Pas isolé, je vois rien. Tout est embué, je vois rien. La fenêtre est pas isolée, je vois rien. Je vois rien, tout est embué. La maison est de travers et je marche croche sans savoir. La maison est de travers, je marche tout croche. La fenêtre est pas isolée, je vois rien. passerai de travers. Et je marche croche sans savoir. La maison est de travers et je marche tout croche. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Minute astuce aujourd'hui, eh bien on va vous donner une très bonne recette pour booster votre concentration. Alors pour la booster cette concentration, écoutez de la musique parmi les nombreux bienfaits de la musique sur l'esprit. Vous connaissez certainement ses vertus anti-stress. Et bien sachez qu'elle améliore également les capacités de concentration. Mieux, plus son rythme sera rapide, plus votre cerveau sera sollicité. À vous de choisir. Et merci d'avoir choisi la croisière folk. Allez, on poursuit avec Marianne Beaulieu et Odir. Eh bien, c'est le premier single de son EP qui s'appelle The Committee, qui sortira le 11 avril. Dans cette chanson, Odir, donc, eh bien, Marianne Beaulieu s'adresse à tous les éternels célibataires qui ne croient plus en leur capacité de trouver l'amour. Elle reflète l'espoir d'une première relation avec toutes les peurs qui l'accompagnent. Aziliz Mandro ensuite avec l'hymne des femmes celtes, et vous reconnaîtrez peut-être les voix de Clarisse Lavanant, d'Emezy, de Lunis, de Madeleine Anne, de Morwen Lenormand et de Steren Diridolou, Carmento La Loca del Pueblo et puis Christine Ebol avec Paraso Rolofus Vals. Alors Christine, eh bien, est l'une des figures de proue de la scène folk danoise. Elle est violoniste et compositrice. Son album qui s'appelle Bølgen est sorti il n'y a pas longtemps, ça veut dire La Vague. Plongée sans complexe dans l'univers enchanteur des artistes féminines de la scène folk. Ah, je vous aime. Oh dear, if I'm being frank now, for 20 years I didn't get how. Four hands could fill an empty house. Don't you think that you get bored of my brain and how I leave the fan on? When I think for too long, then it'll come out all wrong. My ways, they were cute, right? Well, they're just fine now. Soon they'll be all bad. My head is running out of space, but I'll save all the times you said my name. You know I've waited for so long, hoping to mean the pretty words of my own song. And all my fears just got replaced. Now that I got something to lose, what if I break? I swear I couldn't stand it. Stolen glances or park benches. I dread the no go ahead. Take the chair, I don't need an extra. They'd ask, oh really, but why? I'd sit there and laugh, just help a girl out. They'd stare and wonder how come I've been on my own. I wish I had known that my hate is running out of space. But I'll save all the times you said my name. You know I've waited for so long, hoping to mean the pretty words of my own songs. And all my fears

agua luego. Regresa la voz amable y se arrumaca en su eco. Venga, nenas, tarde, vamos pa' la casa. Voilà, notre escale musicale touche à sa fin. Une heure en compagnie de femmes talentueuses qui font vivre et évoluer la musique folk avec passion et créativité. J'espère que cette traversée vous a inspiré et donné envie de découvrir ou de redécouvrir ces voix qui méritent toute notre attention. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure sur la croisière folk. D'ici là, gardez le cap et laissez la musique vous guider. Et puis je voudrais dire bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est vrai que vous le savez, les émissions, vous pouvez les réécouter sur ir10.at, la croisière folk. Et donc, je me suis aperçu qu'on avait des auditeurs un petit peu partout. Bruxelles, Charleroi, Montréal, Mons, Paris, Lyon, Kuala Lumpur, à Bastia également, bonjour les Corses, à Sainte-Clotilde, à Kinshasa, à Casablanca, à Berlin, à Abidjan, à Metz, à Kiev, à Sydney, à Carcassonne, à Orlando, à Panama City. Et puis il y a une ville aussi qui m'interpelle. Vous savez qu'on est écouté à Springfield. Alors est-ce que ça veut dire que la famille Simpsons nous écoute? Voilà, c'est une question peut-être à laquelle vous pourrez répondre. Merci de votre fidélité. On se quitte avec Galant, tu perds ton temps. Nous irons danser. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour de nouvelles aventures folk. N'oubliez pas de m'écrire aussi si vous avez envie peut-être plus d'infos sur les artistes et peut-être aussi dire ce que vous pensez de l'émission. La croisière folk en un mot, @yahoo.com. Allez, que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et rendez-vous pour une nouvelle croisière la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. I appreciate that on first viewing, he seems a little eccentric. David, there are Martians who have been exiled from Mars for looking weird, who look less weird than this guy. He has an original quality. He goes today. Ah ben, je comprends, moi j'ai essayé de me vendre aussi, j'ai pas fait un rond. Ne jurez pas, je déteste. Danser, nous irons danser. Danser, nous irons danser. Je danser, nous irons danser. Je danser, nous irons danser. Je danser, nous irons danser. Je danser, nous irons danser. Je danser, nous irons danser. Je danser, nous irons danser. Je danser, nous irons danser. Je danser, nous irons danser. M'en revenant chez